Lorsque nous les vîmes à l'ouvrage, nous n'eûmes rien de mieux à faire que de nous mettre en marche. Il faisait moins froid. Il pouvait être midi. Nous aperçûmes deux Cosaques faire patrouille en côtoyant le bois, en suivant les pas que nous tracions sur la neige, comme on suit un loup à la trace. En les voyant, Picard se mit en colère en disant « S'ils nous ont vus, nous avons beau faire, ils nous suivront toujours par les traces que nous laissons après nous. Doublons le pas et tout à l'heure, lorsque nous verrons le bois plus éclairci, nous y entrerons. » Et s'ils ne sont que deux, nous en aurons bon marché. » Un instant après, il s'arrêta encore, et comme il ne les voyait plus, il se mit à jurer. « Mille tonnerres, je comptais sur eux pour avoir du tabac. Les poltrons, ils n'osent plus nous suivre, ils ont peur. » Nous continuions à marcher le plus près qu'il nous était possible de la forêt, afin de nous cacher derrière les buissons, mais nous fûmes forcés d'en sortir par la chute de plusieurs arbres que la tempête du matin avait fait tomber et qui barraient notre chemin. Nous fûmes obligés d'appuyer à droite pour tourner. En faisant cette contre-marche, nous regardâmes encore en arrière. Nous aperçûmes nos deux individus en arrière l'un de l'autre, de plus de 30 pas. Il est probable que le premier nous avait aperçus, car il doubla le pas de son cheval, comme pour s'assurer de quelque chose. Ensuite, il s'arrêta de manière à attendre celui qui le suivait. Nous pouvions les voir sans être vus, car nous étions rentrés précipitamment dans le bois. Notre but était de les attirer le plus loin possible, afin que ceux qui étaient à la pêche de leurs camarades ne pussent venir à leur secours si un combat s'engageait. Pour cela, nous marchions le plus vite possible, mais difficilement. Quelquefois dans le bois, ensuite dehors, suivant le terrain. Il y avait déjà une demi-heure que nous étions à faire cette manœuvre lorsque nous fûmes arrêtés par un banc de neige qui allait se perdre dans un ravin sur notre droite. Nous fûmes forcés de faire quelques pas en arrière, afin de chercher une issue pour entrer dans la forêt, et nous y cacher. Un instant après, les Cosaques étaient près de nous, et nous aurions pu les descendre facilement. Mais Picard, qui savait faire la guerre, me dit « C'est de l'autre côté du banc de neige que je veux les avoir. Il ne sera pas facile aux autres de leur porter secours. » Lorsqu'ils virent qu'il n'y avait pas possibilité de franchir cet obstacle, ils prirent le galop, et nous les vîmes descendre dans le ravin et chercher à tourner le banc de neige. De notre côté, nous avions trouvé un passage qui nous fit arriver presque en même temps de l'autre côté. De l'endroit où nous étions, nous pouvions les apercevoir sans être vus. Nous profitâmes du moment qu'ils étaient dans le fond pour sortir de la forêt et marcher plus à notre aise. Mais au moment où nous pensions en être débarrassés pour un temps et où je m'arrêtais pour respirer, car les jambes commençaient à me manquer, Picard, se retournant pour voir si je le suivais, aperçoit à une petite distance derrière moi nos deux drôles qui cherchaient à nous surprendre, pendant que nous les pensions en avant. Aussitôt, nous rentrons dans la forêt. Nous faisons plusieurs détours, nous revenons à l'entrée, et nous les voyons qui marchent encore à distance l'un de l'autre, mais doucement. Nous rentrons encore, nous nous mettons à courir en faisant toujours des détours, afin de leur faire croire que nous fuyons. Ensuite, nous revenons nous cacher derrière un massif de petits sapins, dont les branches couvertes de neige et de petits glaçons nous empêchent d'être aperçus. Celui qui marchait le premier pouvait être éloigné de 40 pas. Picard me dit tout bas « À vous, mon sergent, l'honneur du premier coup, mais il faut attendre qu'il avance. » Pendant qu'il me parlait, le Cosaque faisait signe avec sa lance à son camarade d'avancer. Il avance encore et s'arrête pour la seconde fois en regardant les traces de nos pas. Il pousse son cheval un peu sur la droite et en face du buisson derrière lequel nous étions cachés. Là, il regarde encore, mais d'un air inquiet. Il semble avoir un pressentiment de ce qui doit lui arriver, car il n'est pas à plus de 4 pas du bout de mon fusil. Lorsque mon coup part et mon Cosaque est atteint à la poitrine, il jette un cri et veut fuir, mais Picard s'était élancé sur lui avec rapidité, avait saisi le cheval par la bride d'une main et de l'autre lui faisait sentir la pointe de sa baïonnette en criant « À moi, mon pays, voilà l'autre, garde à vous !» Effectivement, il n'avait pas lâché la parole, que l'autre arrive, le pistolet à la main, et le décharge à un pied de distance sur la tête de Picard, qui tombe du même coup sous les pieds du cheval dont il tenait toujours la bride. À mon tour, je cours sur celui qui venait de faire feu, mais me voyant, il jette l'arme qu'il vient de décharger, fait demi-tour, part au grand galop, et va se placer à plus de 100 pas de nous dans la plaine. Je n'avais pu tirer une seconde fois sur lui parce que mon arme n'était pas rechargée. Avec les mains engourdies, comme nous les avions, ce n'était pas chose facile. Picard, que je croyais mort ou dangereusement blessé, s'était relevé. Le Cosaque que j'avais atteint et qui s'était toujours tenu à cheval venait de tomber et faisait le mort. Picard ne perd pas de temps. Il me donne la bride du cheval à tenir, et sortant de la forêt, se porte de suite à 20 pas en avant, ajuste celui qui avait fui, et lui envoie aux oreilles une balle que l'autre évite en se couchant sur son cheval. Ensuite il part au galop. Picard le voit qui descend le ravin. Il recharge son arme. Ensuite il revient près de moi en me disant « La victoire est à nous, mais dépêchons-nous. Commençons par user du droit du vainqueur. Voyons si notre homme n'a rien qui nous va, et partons avec le cheval. » Je m'empressai de demander à Picard s'il n'était pas blessé. Il me répondit que ce n'était rien, que nous parlerions de cela plus tard. Il commença la visite par la ceinture, en enlevant 2 pistolets, dont un était chargé. Alors il me dit « Ce drôle a l'air de faire le mort. Je vous assure qu'il n'en est rien. Par moments, il ouvre les yeux. » Pendant que Picard parlait, j'avais attaché le cheval à un arbre. J'ôtai à son cavalier son sabre et une jolie petite giberne garnie en argent, que je reconnus pour être celle d'un chirurgien de notre armée. Je la passai à mon cou. Le sabre, nous le jetâmes dans le buisson. Sous sa capote, il avait 2 uniformes français, un de cuirassier et l'autre de lancier rouge de la garde, avec une décoration d'officier de la Légion d'honneur, que Picard s'empressa de lui arracher. Ensuite, il avait sur sa poitrine 2 beaux gilets ployés en 4 qui lui servaient de plastron, de manière que s'il eût été atteint à cette place, je ne pense pas que la balle eût traversé. Il avait été pris un peu sur le côté. Nous trouvâmes dans ses poches pour plus de 300 francs en pièces de 5 francs, 2 montres en argent, 5 croix d'honneur, tout cela ramassé sur les morts ou mourants, ou pris dans les fourgons d'équipage, que l'on était obligé d'abandonner. Je suis persuadé que si nous eussions eu le temps, nous aurions trouvé bien autre chose, mais nous ne restâmes pas 5 minutes pour le détrousser. Picard ramassa la lance du vaincu, ainsi qu'un pistolet qui n'était pas chargé. Il les cacha dans un buisson, et nous nous disposâmes à partir. Comme Picard marchait devant, en conduisant le cheval par la bride, sans savoir où nous allions, il me prit envie de tâter les flancs du porte-manteau qui était sur le derrière du cheval, et dont nous avions remis la visite. Je remarquai que ce porte-manteau était celui d'un officier de cuirassier de notre armée. Je passai la main à l'entrée. Il me sembla que je palpais quelque chose qui ressemblait beaucoup à une bouteille. J'en fis de suite l'observation à Picard, qui aussitôt cria « Halte !» En moins de 2 minutes, le porte-manteau fut ouvert, et sous la première enveloppe, je tirai une bouteille qui contenait quelque chose qui ressemblait à du genièvre, tant qu'à la couleur. Nous ne nous étions pas trompés, car Picard, sans se donner la peine d'y mettre le nez, en avala de suite une gorgée en me disant « À vous, mon sergent !» Lorsque j'en eus goûté, je sentis à mon estomac un bien, qu'il est plus facile de sentir que d'exprimer. Nous fûmes d'accord que cette trouvaille valait mieux que le reste, et comme il fallait l'aménager, et que j'avais dans ma carnassière un petit vase en porcelaine de Chine que j'avais apporté de Moscou, nous décidâmes que ce serait la ration toutes les fois que l'on voudrait boire. Nous nous enfonçâmes dans le bois avec beaucoup de peine, et au bout d'un quart d'heure de marche pénible, par suite de la quantité d'arbres tombés sur notre passage, nous arrivâmes sur un chemin large de 5 à 6 pieds, qui venait de gauche et qui, à notre grande satisfaction, se continuait sur notre droite, précisément dans les directions que nous devions prendre pour rejoindre la grande route, où l'armée devait avoir passé, et qui, suivant nous, ne devait pas être éloignée de plus de 2 à 3 lieues. Me trouvant plus à l'aise, je levai la tête, et regardant Picard, je vis qu'il avait la figure ensanglantée. Le sang s'était formé en glaçons sur ses moustaches et sur sa barbe. Je lui dis qu'il était blessé à la tête. Il me répondit qu'il venait de s'en apercevoir, au moment où son bonnet à poils s'était accroché à une branche, et qu'en le remettant, le sang avait coulé sur sa figure, que du reste il n'avait rien de grave. Il me dit que ce n'était pas le coup de pistolet qui l'avait fait tomber, mais que, tenant la bride du cheval, au moment où il voyait venir l'autre cosaque, il avait voulu se saisir de son arme pour en faire usage, mais qu'il avait glissé sur les talons et que, sans lâcher ni son fusil ni la bride du cheval, il s'était trouvé sur le dos et sous le ventre. « Et puis, continua-t-il, ce n'est pas le moment de s'en occuper. Nous verrons cela ce soir. » Il paraît que la balle avait traversé la plaque de son bonnet à poil et avait cassé une aile de l'aigle impérial, glissé sur le côté de la tête, et s'était ensuite niché dans des chiffons, dont le fond de son bonnet était plein. Nous nous en assurâmes le soir, lorsque je lui pansais sa blessure, car nous la retrouvâmes. Pour gagner du temps, je proposai à Picard de monter à 2 sur le cheval. « Essayons, dit-il. » Aussitôt, nous lui ôtâmes la selle de bois qu'il avait sur le dos. et ne lui ayant laissé qu'une couverte qu'il avait dessous, nous enfourchâmes le cheval, Picard sur le devant et moi sur le derrière. Nous bûmes un coup et nous partîmes en tenant nos fusils en travers, comme un balancier. Nous voilà en route, toujours au trot, quelquefois au galop. Souvent notre marche était interceptée par des arbres tombés. Cela fit naître à Picard l'idée de faire tomber ceux qui ne l'étaient pas tout à fait, afin de former une barricade contre la cavalerie, si elle venait à nous poursuivre. Il descendit donc de cheval, et prenant ma petite hache, au bout de quelques minutes, il acheva de faire tomber en travers du chemin plusieurs sapins, sur ceux qui l'étaient déjà, de manière à donner de l'ouvrage pendant plus d'une heure à 25 hommes. Ensuite il remonta gaiement à cheval, et nous continuâmes à trotter pendant un bon quart d'heure sans nous arrêter. Tout à coup Picard s'arrêta en disant « Coquin de Dieu, sentez-vous comme moi, mon pays, comme ce tartare a le trop dur ?» Je lui répondis qu'il nous faisait souffrir par vengeance de ce que nous avions tué son maître. « Diable, me dit-il, pareil, mon sergent, que la petite goutte a fait son effet et que vous avez le petit mot pour rire. Allons, tant mieux, j'aime à vous voir comme cela. » Pour ne plus souffrir autant de son derrière, Picard arrangea les pans de son menton blanc sur le dos du cheval, et nous pûmes, non plus entre-temps, mais en marchant le pas ordinaire, aller encore pendant un quart d'heure. Il y avait des moments où le cheval avait de la neige jusqu'au ventre. Enfin, nous aperçûmes un chemin qui traversait celui sur lequel nous marchions, et que nous prîmes pour la grande route. Mais avant d'y entrer, il fallait agir avec prudence. Nous mîmes pied à terre, et prenant le cheval par la bride, nous nous retirâmes dans la forêt. À gauche du chemin que nous venions de parcourir, afin de pouvoir, sans être vus, regarder sur la nouvelle route que nous reconnûmes, au bout d'un instant, pour être celle que l'armée avait parcourue, et qui conduisait à la Bérézina, car la quantité de cadavres dont elle était jonchée et que la neige recouvrait à demi nous fit voir que nous ne nous étions pas trompés. Des traces nouvelles nous firent aussi penser qu'il n'y avait pas longtemps que de la cavalerie et de l'infanterie y avaient passé, la trace des pas venant du côté où nous devions aller, ainsi que le sang que l'on voyait sur la neige, nous firent croire qu'un convoi de prisonniers français que des Russes escortaient avait passé il n'y avait pas longtemps. Il n'y avait pas de doute que nous étions derrière l'avant-garde russe, et que bientôt nous enverrions d'autres nous suivre. Comment faire? Il fallait suivre la route. C'était le seul parti à prendre. C'était aussi l'opinion de Picard. « Il me vient, dit-il, une excellente idée. Vous allez faire l'arrière-garde et moi l'avant-garde. Moi devant, conduisant le cheval en avant, si je ne vois rien venir, et vous, mon pays, derrière, ayant la tête tournée du côté de la queue, pour faire de même. » Nous eûmes un peu de peine, moi surtout, à mettre à exécution l'idée de Picard, en nous mettant dos à dos et faisant comme il le disait, le double aigle ayant deux yeux derrière et deux devant. Nous prîmes encore chacun un petit verre de genièvre, en nous promettant encore de garder le reste pour des moments plus urgents, et nous mîmes notre cheval au pas, au milieu de cette triste et silencieuse forêt. Le vent du nord commençait à devenir piquant, et l'arrière-garde en souffrait à ne pouvoir tenir longtemps la position. Mais fort heureusement, le temps était assez clair pour distinguer les objets d'assez loin, et le chemin qui traverse cette immense forêt était presque droit, de manière que nous n'avions pas à craindre d'être surpris dans les sinuosités. Nous marchions environ depuis une demi-heure, quand nous rencontrâmes sur la lisière du bois sept paysans qui semblaient nous attendre. Ils étaient sur deux rangs. Le septième, qui nous parut déjà âgé, semblait les commander. Ils étaient vêtus chacun d'une capote de peau de mouton. Leurs chaussures étaient faites d'écorce d'arbre avec des ligatures d'eux-mêmes. Ils s'approchèrent de nous, nous souhaitèrent le bonjour en polonais, et ayant reconnu que nous étions français, cela parut leur faire plaisir. Ensuite, ils nous firent comprendre qu'il fallait qu'ils se rendent à Minsk, où était l'armée russe, car ils faisaient partie de la milice. On les faisait marcher en masse contre nous, à coups de knout, et partout dans les villages, il y avait des cosaques pour les faire partir. Nous poursuivîmes notre route. Lorsque nous les eûmes perdus de vue, je demandai à Picard s'il avait bien compris ce que les paysans avaient dit à propos de Minsk, qui était un de nos grands entrepôts de la Lituanie, où nous avions des magasins de vivres, et où, disait-on, une grande partie de l'armée devait se retirer. Il me répondit qu'il avait très bien compris, et que si cela était vrai, c'est que papa beau-père nous avait joué à un mauvais tour. Comme je ne le comprenais pas bien, il me répéta que si c'était comme cela, c'est que les Autrichiens nous avaient trahis. Je ne pouvais comprendre ce qu'il pouvait y avoir de commun entre les Autrichiens et Minsk. Il allait, disait-il, m'expliquer la guerre, lorsque tout à coup il ralentit le pas du cheval en me disant « Voyez, si l'on ne dirait pas là devant nous, une colonne de troupes. » J'aperçus quelque chose de noir, mais qui disparut tout à coup. Un instant après, la tête de cette colonne reparut, comme sortant d'un fond. Nous pûmes bien voir que c'étaient des Russes. Plusieurs cavaliers se détachèrent et se portèrent en avant. Nous n'eûmes que le temps de tourner à droite, et nous entrâmes dans la forêt. Mais nous n'avions pas fait quatre pas que notre cheval s'enfonça dans la neige jusqu'au poitrail et m'en renversa. J'entraînais Picard dans ma chute, et à plus de 6 pieds de profondeur, d'où nous eûmes beaucoup de peine à nous retirer. Pendant ce temps, le coquin de cheval s'était sauvé, mais il nous avait frayé un passage, dont nous profitâmes pour nous enfoncer dans la forêt. Lorsque nous eûmes fait 20 pas, les arbres étant trop serrés, nous ne pûmes aller plus en avant. Il nous fallut, malgré nous, retourner en arrière. Il n'y avait pas à choisir. Le cheval aussi avait été de ce côté, car nous le retrouvâmes rongeant un arbre, auquel nous l'attachâmes. Dans la crainte qu'il nous trahît, nous nous en éloignâmes le plus possible, et trouvant un buisson assez épais pour nous cacher de manière à tout voir sans être vu. Nous nous mîmes en position de nous défendre, si les circonstances nous y obligeaient. En attendant, Picard me demanda si notre bouteille n'était pas perdue ou cassée. Fort heureusement, il n'en était rien. Alors dit-il chacun un petit verre. Pendant que je débouchais la bouteille, il s'occupait à vérifier les amorces de nos fusils, à faire tomber la neige autour des batteries. Nous bûmes chacun un petit verre, nous en avions besoin. Après une attente de 5 à 6 minutes, nous voyons paraître la tête de la troupe, précédée de 10 à 12 tartares et kalmouks, armés, les uns de lances, les autres d'arcs et de flèches, et à droite et à gauche de la route, des paysans armés de toute espèce d'armes. Au milieu, plus de 200 prisonniers de notre armée, malheureux et se traînant avec peine. Beaucoup étaient blessés. Nous en vîmes avec un bras en écharpe, d'autres avec les pieds gelés, appuyés sur des gros bâtons. Plusieurs venaient de tomber, et malgré les coups que les paysans étaient obligés de leur donner, et les coups de lance qu'ils recevaient des tartares, ils ne bougeaient pas. Je vous laisse à penser dans quelle douleur nous devions nous trouver, en voyant nos frères d'armes aussi malheureux. Picard ne disait rien, mais à ses mouvements, on aurait pensé qu'il allait sortir du bois pour renverser ceux qui les escortaient. Dans ce moment, il arriva au galop un officier qui fit faire halte. Ensuite, s'adressant aux prisonniers, il leur dit en bon français « Pourquoi ne marchez-vous pas plus vite ?»« Nous ne pouvons pas, » dit un soldat étendu sur la neige, « et tant qu'à moi, j'aime autant mourir ici que plus loin. » L'officier répondit qu'il fallait prendre patience, que les voitures allaient arriver et que, s'il y avait place pour y mettre les plus malades, on les placerait dessus. « Ce soir, dit-il, vous serez mieux que si vous étiez avec Napoléon, car à présent il est prisonnier avec toute sa garde et le reste de son armée, les ponts de la Bérézina étant coupés. » « Napoléon prisonnier avec toute sa garde ?» répond un vieux soldat. « Que Dieu vous le pardonne. L'on voit bien, monsieur, que vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Ils ne se rendront que morts. Ils en ont fait le serment, ainsi ils ne sont pas prisonniers. » « Allons, dit l'officier, voilà les voitures. » Aussitôt nous aperçûmes 2 fourgons de chez nous et une forge chargée de blessés et de malades. On jeta à terre 5 hommes que les paysans s'empressèrent de dépouiller et mettre nus. On les remplaça par 5 autres, dont 3 ne pouvaient plus bouger. Nous entendîmes l'officier ordonner aux paysans, qui avaient dépouillé les morts, de remettre les habillements aux prisonniers qui en avaient le plus besoin. Et comme ils n'exécutaient pas assez rapidement ce qu'il venait de leur dire, il leur appliqua à chacun plusieurs coups de fouet, et il fut obéi. Ensuite nous entendîmes qu'il disait à quelques soldats qui le remerciaient « Moi aussi je suis français. Il y a 20 ans que je suis en Russie, mon père y est mort, mais j'ai encore ma mère. Aussi j'espère que ces circonstances nous feront bientôt revoir la France et rentrer dans nos biens. Je sais que ce n'est pas la force des armes qui nous a vaincus, mais la température insupportable de la Russie. Et le manque de vivres, répond un blessé. Sans cela, nous serions à Saint-Pétersbourg. C'est peut-être vrai, dit l'officier. Le convoi se remit à marcher lentement. Lorsque nous les eûmes perdus de vue, nous allâmes à notre cheval, que nous trouvâmes la tête dans la neige, cherchant des herbes pour se nourrir. Le hasard nous fit rencontrer l'emplacement d'un feu que nous pûmes rallumer, et où nous pûmes réchauffer nos membres engourdis. À chaque instant, nous allions, chacun à notre tour, voir si l'on ne voyait rien venir soit à droite, soit à gauche, lorsque tout à coup nous entendîmes quelqu'un se plaindre et vîmes venir à nous un malheureux presque nu. Il n'avait sur son corps qu'une capote dont la moitié était brûlée, sur sa tête un mauvais bonnet de police. Ses pieds étaient enveloppés de morceaux de chiffon et attachés avec des cordons au-dessus d'un mauvais pantalon, de gros draps troués. Il avait le nez gelé et presque tombé. Ses oreilles étaient toutes en plaies. À la main droite, il ne lui restait que le pouce. Tous les autres doigts étaient tombés jusqu'à la dernière phalange. C'était un des malheureux que les Russes avaient abandonnés. Il nous fut impossible de comprendre un mot de ce qu'il disait. En voyant notre feu, il se précipita dessus avec avidité. On eût dit qu'il allait le dévorer. Il s'agenouilla devant la flamme sans dire un mot. Nous lui fîmes avec peine avaler un peu de genièvre. Plus de moitié fut perdue, car il ne pouvait ouvrir les dents qui claquaient horriblement. Les cris qu'il laissait échapper s'étaient apaisés. Ses dents ne claquaient presque plus. Lorsque nous le vîmes de nouveau trembler, pâlir et s'affaisser sur lui-même, sans qu'un mot, sans qu'une plainte se fût échappée de ses lèvres. Picard voulut le relever. Ce n'était plus qu'un cadavre. Cette scène s'était passée en moins de 10 minutes. Tout ce que venait de voir et d'entendre mon vieux camarade avait un peu d'influence sur son moral. Il prit son fusil et, sans me dire de le suivre, se dirigea sur la route, comme si rien ne devait plus l'inquiéter. Je m'empressai de le suivre avec le cheval que je conduisais par la bride, et l'ayant rejoint, je lui dis de monter dessus. C'est ce qu'il fit sans me parler. J'en fis autant, et nous nous remîmes en marche, espérant sortir de la forêt avant la nuit. Après avoir trotté près d'une heure, sans rencontrer autre chose que quelques cadavres, comme sur toute la route, nous arrivâmes dans un endroit que nous prîmes pour la fin de la forêt. Mais ce n'était qu'un grand vide d'un quart de lieue, qui s'étendait en demi-cercle. Au milieu se trouvait une habitation assez grande, et autour quelques petites masures. C'était une station ou lien de poste. Mais par malheur, nous apercevons des chevaux attachés aux arbres. Des cavaliers sortent de l'habitation et se forment en ordre sur le chemin. Ensuite, ils se mettent en marche. Ils étaient 8, couverts de manteaux blancs, la tête coiffée d'un casque très haut et gardée d'une crinière. Ils ressemblaient aux cuirassiers contre lesquels nous nous étions battus à Krasnoé dans la nuit du 15 au 16 novembre. Ils se dirigèrent, heureusement pour nous, du côté opposé à celui que nous voulions prendre. Nous supposions avec raison que c'était un poste qui venait d'être relevé par un autre. Lorsque nous entrâmes dans la forêt, il nous fut impossible d'y faire 20 pas. Il semblait qu'aucune créature humaine n'y avait jamais mis les pieds, tant les arbres étaient serrés les uns contre les autres, et tant qu'il y avait de broussailles et d'arbres tombés de vieillesse et cachés sous la neige. Nous fûmes forcés d'en sortir et de la suivre en dehors, au risque d'être vus. Notre pauvre cheval s'enfonçait à chaque instant dans la neige jusqu'au ventre. Mais comme il n'en était pas à son coup d'essai, quoiqu'ayant 2 cavaliers sur le dos, il s'en tirait assez bien. Il était presque nuit et nous n'avions pas encore fait la moitié de la route. Nous prîmes sur notre droite un chemin qui entrait dans la forêt, afin de nous y reposer un instant. Étant descendus de cheval, la première chose que nous fîmes fut de boire la goutte. C'était pour la 5e fois que nous caressions notre bouteille, et on commençait à y voir la place. Ensuite, nous nous concertâmes. Comme dans l'endroit où nous étions se trouvait beaucoup de bois coupé, nous décidâmes de nous établir un peu plus avant, pour nous tenir à une certaine distance des maisons qui étaient sur la route. Nous nous arrêtâmes contre un tas de bois qui pouvait en même temps nous abriter à demi. Après que Picard se fut débarrassé de son sac et moi de la marmite, il me dit « Allons, pensons au principal. Du feu, vite un vieux morceau de linge. » Il n'y en avait pas qui prenait mieux le feu que les débris de ma chemise. J'en déchirai un morceau que je remis à Picard. Il en fit une mèche qu'il me dit de tenir, ouvrit le bassinet de la batterie de son fusil, y mit un peu de poudre, et ayant mis le morceau de linge, lâcha la détente. L'amorce brûla, et le linge s'enflamma. Mais une détonation terrible se fit entendre, et répétée par les échos, nous fit craindre d'être découverts. Le pauvre Picard, depuis la scène des prisonniers, et ce qu'il avait entendu dire par l'officier, touchant la position de l'empereur et de l'armée, n'était plus le même. Cela avait influencé sur son caractère, et même, par moments, il me disait qu'il avait fort mal à la tête, que ce n'était pas la suite du coup de pistolet reçu du Cosaque, mais une chose qu'il ne pouvait pas m'expliquer. Tout cela lui avait fait oublier que son arme était chargée. Après le coup, il resta quelque temps sans rien dire, et n'ouvrit la bouche que pour se traiter de conscrit et de vieille ganache. Nous entendîmes plusieurs chiens répondre au bruit de l'arme. Alors il me dit qu'il ne serait pas surpris que l'on vienne dans un instant nous traquer comme des loups, quoique de mon côté, j'étais encore moins tranquille que lui. Je lui dis, pour le rassurer, que je ne craignais rien à l'heure qu'il était et par le temps qu'il faisait. Au bout d'un instant, nous eûmes un bon feu, car le bois qui était près de nous, en grande quantité, était très sec. Une découverte qui nous fit plaisir, c'est de la paille que nous trouvâmes derrière un tas de bois, où probablement des paysans l'avaient cachée. Il semblait par cette trouvaille que la Providence pensait encore à nous, car Picard, qui l'avait découverte, vint me dire « Courage, mon pays, voilà ce qui nous sauve, du moins pour cette nuit. Demain, Dieu fera le reste, et si, comme je n'en doute pas, nous avons le bonheur de rejoindre l'empereur, tout sera fini. » Picard pensait, comme tous les vieux soldats idolâtres de l'empereur, qu'une fois qu'ils étaient avec lui, rien ne devait plus manquer, que tout devait réussir, enfin qu'avec lui, il n'y avait rien d'impossible. Nous approchâmes notre cheval. Nous lui fîmes une bonne litière avec quelques bottes de paille. Nous lui en mîmes aussi pour manger, en le tenant toujours bride et le porte-manteau que nous n'avions pas encore visité, sur le dos afin d'être prêt à partir à la première alerte. Le reste de la paille, nous le mîmes autour de nous, en attendant de faire notre abri. Picard, en prenant un morceau de viande cuite qui était dans la marmite, pour le faire dégeler, me dit « Savez-vous que je pense souvent à ce que disait cet officier russe ?»« Quoi ?» lui dis-je. « Et, me répondit-il, que l'empereur était prisonnier avec la garde. « Je sais bien, nom d'une pipe, que cela n'est pas, que cela ne se peut pas. « Mais ça ne peut pas me sortir de ma diable de caboche. « C'est plus fort que moi, et je ne serai content que lorsque je serai au régiment. « En attendant, pensons à manger un morceau et à nous reposer un peu. « Et puis, dit-il en patois Picard, nous boirons une tiotte goutte. « Je pris la bouteille et la regardant à la lueur des flammes, je remarquai qu'elle tirait à sa fin. Picard n'aurait jamais dit « halte », conservant une poire pour la soif. Il me dit seulement qu'il serait à désirer que quelques tartares ou autres passât de l'autre côté, afin de leur expédier une commission pour l'autre monde, comme à celui du matin, afin de renouveler notre bouteille, car il paraît, dit-il, que tous ces sauvages-là en ont. Effectivement, nous sûmes par la suite qu'on leur faisait des fortes distributions d'eau-de-vie, qu'on leur amenait sur des traîneaux des bords de la mer Baltique. Le temps était assez doux pour le moment. Nous mangions, sans beaucoup d'appétit, le morceau de cheval cuit du matin, que nous étions obligés de présenter au feu tant il était dur. Picard, en mangeant, parlait seul et jurait de même. « J'ai 40 napoléons en or dans ma ceinture, me dit-il, et 7 pièces russes aussi en or, sans les pièces de 5 francs. Je les donnerais toutes de bon cœur pour être au régiment. À propos, continua-t-il en me frappant sur les genoux, ils ne sont pas dans ma ceinture, car je n'en ai pas, mais ils sont cousus dans mon gilet blanc d'ordonnance que j'ai sur moi. Et comme l'on ne sait pas ce qui peut arriver, ils sont à vous. Allons, dis-je, encore un testament de fait. Par la même raison, mon vieux, je fais le mien. J'ai 800 francs, tant en pièces d'or qu'en billets de banque et en pièces de 100 francs. Vous pouvez en disposer, s'il plaît à Dieu, que je meure avant de rejoindre le régiment. » En me chauffant, j'avais mis machinalement la main dans le petit sac de toile que j'avais ramassé la veille auprès des deux officiers badois, rencontrés mourants sur le bord du chemin. J'en retirai quelque chose de dur comme un morceau de corde et long comme 2 doigts. L'ayant examiné, je reconnus que c'était du tabac à fumer. Quelle découverte pour mon pauvre Picard! Lorsque je lui donnais, il laissa tomber dans la neige une côte de cheval qu'il était en train de ronger, et qu'il remplaça de suite par une chique de tabac. En attendant, dit-il, de fumer, car il ne savait pas si sa pipe était dans son sac, dans son bonnet à poil ou dans une de ses poches. Et comme ce n'était pas le moment de chercher, il se contenta de sa chique, et moi d'un petit cigare que je fis à l'espagnol avec un morceau de papier d'une des lettres dont plusieurs se trouvaient dans le petit sac. Il y avait environ 2 heures que nous étions à notre bivac, et il n'en était pas encore 7. Ainsi, c'était 11 à 12 heures que nous avions encore à rester dans cette situation, avant de nous remettre en marche. Depuis un moment, Picard s'était absenté pour satisfaire un pressant besoin, et son absence commençait déjà à m'inquiéter, lorsque, au moment où je m'y attendais le moins, j'entends du bruit dans les broussailles du côté opposé où il était parti. Persuadé que c'était tout autre que lui, je prends mon fusil et je me mets en défense. Au même instant, je vois paraître Picard, qui, en me voyant dans cette position, me dit « C'est bien, mon pays, c'est fort bien !» À demi-voix et d'un air mystérieux, en me faisant signe de ne pas parler, alors il me dit tout bas que 2 femmes venaient de passer sur le chemin à 2 pas d'où il était, portant l'une un paquet et l'autre une espèce de seau, où probablement il y avait quelque chose, car elles s'étaient arrêtées quelque temps pour se reposer à 5 ou 6 pas de lui. Elles ont été cause, me dit-il, que, quoique étant dans une position à avoir le derrière gelé, je n'ai osé bouger tant qu'elles ont été près de moi, à bavarder comme des pies. Nous allons suivre leurs traces, et nous arrivons peut-être dans un village, ou dans une baraque où nous serons à l'abri des mauvais temps, et plus en sûreté, car vous entendez toujours ces diables de chiens qui aboient. » Effectivement, depuis le coup de fusil, il n'avait cessé de faire un train d'enfer. « Mais lui dis-je, si dans ce village ou dans cette baraque nous allions trouver des Russes ?» Il me répondit de le laisser faire. Nous voilà encore marchant à l'aventure pendant la nuit, au milieu d'une forêt sans savoir où nous allions, sur la seule indication de quatre pieds imprimés sur la neige que Picard me disait être ceux des femmes. Tout à coup, les traces cessèrent de se faire voir. Après un moment de recherche, nous les retrouvâmes, et nous vîmes qu'elles tournaient à droite. Cela nous contraria beaucoup, vu que nous allions nous éloigner de la direction qui pouvait nous conduire sur la grande route. Souvent les pas se trouvaient tellement resserrés par les arbres que nous ne pouvions plus y voir. Il fallait que Picard se couchât sur la neige et cherchât avec ses mains les traces que nous ne pouvions plus voir avec nos yeux. Picard conduisait le cheval par la bride. Moi, je marchais en le tenant par la queue, mais je fus arrêté court. Il ne marchait plus. Le pauvre diable avait beau faire des efforts, il ne pouvait plus avancer, car il était pris entre deux arbres, et les deux bottes de paille qu'il avait de chaque côté l'empêchaient de passer. Lorsqu'elles furent tombées, il put se dégager et avancer. Je ramassai la paille trop précieuse pour nous. Je la traînai jusqu'au moment où nous trouvâmes le chemin plus large. Alors nous la remîmes sur le cheval, et nous pûmes avancer plus à notre aise. Un peu plus loin, nous trouvâmes deux chemins, où l'on avait également marché. Là, nous fûmes encore obligés de nous arrêter, ne sachant lequel prendre. À la fin, nous prîmes le parti de faire marcher le cheval devant nous, espérant qu'il pourrait nous guider. Pour ne pas qu'il nous échappe, nous le tenions de chaque côté de la croupière. À la fin, Dieu eut pitié de nos misères. Un chien se fit entendre, et un peu plus avant, nous aperçûmes une masure assez grande. Imaginez-vous le toit d'une de nos granges posée à terre, et vous aurez une idée de l'habitation que nous avions devant nous. Nous en fîmes trois fois le tour avant de pouvoir en trouver l'entrée, cachée par un avant-toit en chaume qui descendait jusqu'à terre. Sur le côté, une première porte aussi en chaume, mais tellement couverte de neige qu'il n'est pas étonnant que nous ne l'ayons pas vue de suite. Picard, étant entré sous le toit, arriva à une seconde porte en bois et frappa d'abord doucement. Personne ne répondit. Une seconde fois, même silence. Alors, s'imaginant qu'il n'y avait pas d'habitants, il se disposa à enfoncer la porte avec la crosse de son fusil. Mais une voix faible se fit entendre. La porte s'ouvrit et une vieille femme se présenta, tenant à la main pour s'éclairer un morceau de bois résineux tout en flammes, qu'elle laissa tomber de frayeur en voyant Picard, et se sauva tout épouvantée.